Édition de l'Avenir présente, Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 1, du samedi 25 août 1883. Page 1, colonne 5, suivi de page 3, colonne 1. Nouvelle du Canada. L'honorable M. Joly est actuellement à Winnipeg. L'électeur dit que M. le Dr Laberge, député de Châteauguay au Parlement local, est mourant. La fabrique de tricot qui fonctionne à Notre-Dame de Stanbridge va être augmentée prochainement de matériel et de personnel. Les typographes de Montréal s'organisent déjà pour célébrer, le 21 juin prochain, le 50e anniversaire de la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Au commencement de la semaine dernière, les citoyens de Portage du Raz se sont prononcés en faveur du gouvernement d'Ontario contre celui de Manitoba. L'honorable M. Pierre Garneau et M. Isidore Thibodeau de Québec ont été nommés officiers de l'instruction publique par le président de la République française. Monsieur le comte de Saint-Maison, consul général de France au Canada, a été réélu, à l'unanimité, conseiller général du département de la Manche aux dernières élections françaises. Le diocèse de Saint-Hyacinthe a l'honneur de posséder un historiographe. M. l'abbé Yves Desnoyers, curé de Saint-Césaire, a commencé à écrire l'histoire de toutes les paroisses de ce beau diocèse. M. L. A. Sénécal est parti vendredi dernier pour l'Europe. Un grand nombre d'amis lui ont présenté une adresse à l'occasion de sa promotion au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Par ordre de M. Grévy, président de la République française, messieurs Louis Fréchette, homme de lettres à Montréal, Honoré Beaugrand, directeur de la patrie, Joseph Tassé, directeur de la Minerve, ont été nommés officiers d'académie. Quatre grévistes télégraphistes ont assailli un jeune homme la semaine dernière à Montréal et lui ont fait des blessures graves. Sans l'arrivée d'un messager du télégraphe qui se mit à crier au secours, ce jeune homme aurait été lâchement assassiné. Le 22 du courant, grande fête à Lorette à l'occasion de la nomination de Maurice Bastien Abnouyen comme chef de la tribu Huronne. Son Excellence le gouverneur général et Son Altesse royale, la princesse Louise, ont été invités. La Minerve annonce que le 6 septembre prochain, il y aura, à Saint-Laurent, une grande assemblée des électeurs du comté Jacques-Cartier, convoquée par l'honorable M. Mousseau. L'honorable M. Chadelot portera la parole en faveur de son successeur. Décidément, et malheureusement, les mœurs se dégradent dans notre beau Canada. Les tentatives de viol se succèdent depuis quelque temps dans des proportions effrayantes. Les peines les plus infamantes ne paraissent avoir aucune prise sur ces misérables. Le 13 août dernier, le marquis de Lorne et Son Altesse royale, la princesse Louise, sont allés faire une visite au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Les révérends pères rédemptoristes ont fait les honneurs de leur couvent avec une courtoisie toute française et les nobles visiteurs ont été enchantés de leur promenade. Tous les jours, les pèlerins affluent au pied de la grande thaumaturge du Canada. Messieurs les journalistes de la province d'Ontario sont retournés dans leur foyer. Leur court séjour au cœur de notre belle province de Québec, nous en avons la confiance, pour nous faire mieux apprécier de nos compatriotes du Haut-Canada et faire disparaître tous les préjugés. Pour nous, nous avons été enchantés de la courtoisie de nos hôtes de la presse Et à en juger par les discours et les conversations de nos amis d'Ontario, ceux-ci ont été très satisfaits de leur petite excursion. Nos lecteurs savent déjà qu'au commencement de septembre prochain, la ville de Boston, Massachusetts, inaugurera une splendide exposition. Voici les noms des commissaires canadiens qui représenteront le Canada à cette grande fête de l'intelligence et de travail. Messieurs le Dr. Sterry Hunt, Montréal, J.A. Chaplot, Ottawa, Wilmot, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, l'honorable S.G. Wood, Toronto, M.G. Joly, honorable Lynch Fauché, de Saint-Maurice, Québec, S.S. Stevenson, secrétaire du département des arts et manufactures, le Dr. Bender, autrefois de Québec, accompagne ces messieurs en qualité de médecin. Un nommé Alexandre Riendo, de Montréal, en état d'ébriété, s'est poignardé. On désespère de sa vie. Monsieur Arthur L. de Rêve s'est arrangé avec ses créanciers à raison de 40%, payable avec endossement à 4, 8 et 12 mois. Un marchand de bétail d'Ontario a fait un contrat avec les propriétaires de la ligne Allen pour le transport océanique de 10 000 têtes de bétail via Montréal et Boston. Deux ouvriers nommés Labelle et Charpentier, employés au flottage du bois, se sont noyés mercredi dans les rapides de la rivière Gatineau. On n'a point encore retrouvé leur cadavre. Un nommé Louis Chabot a attaqué samedi soir dans la rue Wellington deux immigrants norvégiens et les a frappés avec un couteau sans provocation aucune. Le misérable a été arrêté et écroué en attendant son procès. Mardi de la semaine dernière, le receveur municipal de Montréal a reçu 76 000 $ pour taxes de l'eau. Les contribuables avaient le bénéfice de 5 % d'escompte en payant avant le 15. L'honorable M. Joly a été nommé vice-président au Congrès forestier de Saint-Paul, Minnesota. Il doit présenter un travail sur l'utilité d'établir des cours pratiques de la culture des arbres dans les maisons d'éducation. La Banque des marchands de Montréal a intenté une action de 10 000 $ contre M. Bradley Barlow, propriétaire du chemin de fer du Sud-Est. L'action est fondée sur un billet de ce montant et que le défendeur avait endossé. Mgr Moreau de Saint-Hyacinthe a adressé au clergé de son diocèse une lettre pastorale menaçant d'excommunication tout catholique qui aura des relations avec la faculté Victoria ou tout autre collège protestant. Le feu a détruit dans la nuit de samedi à dimanche la maison de M. Joseph Verville de Drummondville. Quand le feu s'est déclaré, toute la famille était chez un voisin à une soirée dansante. La maison a été complètement réduite en cendres. Pas d'assurance. M. Georges Dorion, inspecteur des poids et mesures, a saisi la semaine dernière dans les magasins de Sainte-Cunégonde des balances qui avaient sous les plateaux des morceaux de plomb, puis une mesure d'une pinte avec un fond supplémentaire en bois. Un jeune homme, du nom de Rogers, âgé de 21 ans, est mort subitement mardi soir au coin des rues Montcalm et Craig. Il a été transporté à sa demeure où le Dr Mount a déclaré que la mort avait été causée par une maladie du cœur. Le fils de Philibert Gauthier, de l'Épiphanie, âgé de 21 ans, a mis fin à ses jours en se pendant à un soliveau du hangar de son père. On ne connaît pas les motifs qui ont pu pousser le défunt à se tuer. Ce suicide a causé une profonde émotion dans le village de l'Épiphanie. Un enfant de 9 ans, du nom de Germain, dont les parents demeurent au numéro 183 rue du Grand Tronc, Montréal, a été tué par un train mardi après-midi. Il jouait avec ses petits amis près de la maison des roues hydrauliques de l'aqueduc lorsque l'accident est arrivé. M. Adolphe Langelier, fils de M. Langelier, maire de Québec, vient de mourir de la terrible maladie de la consomption à l'âge de 18 ans. C'était un jeune homme d'avenir et sa mort cause beaucoup de regrets. En cette triste circonstance, nous nous empressons d'offrir nos condoléances à l'honorable M. Langelier et à sa famille. Un jeune homme du nom de George Walker a été victime vendredi soir d'un de ces singuliers accidents qui ont déjà causé tant de malheurs. En traversant les nombreuses voies du Grand Tronc, à la pointe Saint-Charles, il s'est engagé le pied entre deux rails et il n'a pu se dégager avant l'arrivée d'une locomotive qui l'a frappé et renversé. Il a eu un bras fracturé et a reçu des contusions graves à la tête. Le juge Allen, pour le comté de Rimouski, est mort subitement à Rimouski dans la matinée du 16 du courant. Il était en voiture avec sa fille quand il fut surpris par une violente hémorragie du nez. Il s'empressa de se rendre chez le docteur Fizette, mais il est mort en entrant dans la maison. La cause de cette mort est attribuée à une maladie du cœur. Le juge Allen était un homme populaire et sa mort cause beaucoup de regrets. La ville de Terrebonne vient de bâtir près de l'église, sur un site charmant, un spacieux et joli couvent avec toutes les améliorations désirables pour une maison d'éducation. La facilité de communication entre Terrebonne et les localités situées sur le parcours du chemin de fer du Nord offre des avantages appréciables. Cette institution sera sous la direction des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et donnera un cours d'études complet. Les conditions pour la pension et les leçons sont très modérées. Mardi soir, vers 6h30, Mademoiselle Isabella Ross, âgée d'une trentaine d'années, souffrant d'hystérie depuis plusieurs mois, s'est noyée au quai du Philgate à l'île Sainte-Hélène. Elle s'était promenée dans le parc avec une servante et ne lui fit nullement prévoir qu'elle allait attenter à ses jours. Elle donna son ombrelle à sa compagne et disparut subitement. Plusieurs personnes l'ont vue tombant du haut du quai. Son cadavre a été retrouvé par les canotiers de Joe Vincent. La défunte est la sœur du docteur Ross de Montréal. L'église Saint-Jean-Baptiste, actuellement en construction au Faubourg Saint-Jean, Québec, a reçu le baptême de sang lundi après-midi. Une manœuvre du nom d'Absalon Plourde a fait une chute d'une hauteur de 50 pieds et a expiré un quart d'heure après. La malheureuse victime n'avait que 18 ans. M. le curé Plamondon, arrivé aussitôt, a encore pu lui administrer les derniers sacrements. Les ouvriers l'ont transporté à la demeure de son père, sur une civière. Il a trois frères et quatre sœurs qui demeurent tous avec leurs parents. Cette famille demeurait, il y a 8 ans, aux Trois Pistoles, où elle cultivait la terre. Un triste accident est arrivé à Saint-Didas, mardi de la semaine dernière. M. B. Fleury, un homme d'une soixantaine d'années, venait de vendre sa terre pour aller vivre de ses rentes avec sa femme au village, se trouvant seul et sans enfant. M. Fleury était allé au village pour acheter une maison et quand le contrat fut passé, il s'empressa de rentrer chez lui pour annoncer la bonne nouvelle. Rendu à 1 mile de l'église, M. Fleury fut frappé d'une attaque d'apoplexie et tomba entre un bras de la limonière et la roue gauche de sa voiture. Traîné dans cette mauvaise position à 1 mile plus loin, des personnes venant d'une paroisse voisine ont trouvé M. Fleury à l'état de cadavre. Le défunt était membre du conseil municipal de sa paroisse et avait communié le matin. Ce déplorable accident cause beaucoup de regrets dans la paroisse de Saint-Didas. Jeudi, vers 2h30 du matin, l'agent de police Geoffrion, en faction sur la rue Sainte-Marie, vit passer un nommé Albert Sicard, dit Carufel, cordonnier, ayant travaillé dans le temps chez M. Mullarky. En s'approchant de l'homme, il s'aperçut qu'il avait une vilaine entaille à la gorge, d'où le sang s'échappait avec abondance. Il avait aussi des blessures saignantes au poignet. Sicard est un homme adonné à la boisson, ce qui lui avait fait perdre son emploi. Se trouvant sans ouvrage, il résolut d'en finir avec la vie. L'agent de police le conduisait à l'hôpital Notre-Dame, où le docteur Marcellet opéra la suture des blessures. Ce ne fut pas sans peine, car le pauvre fou se débattait entre les mains des aides, disant qu'il voulait en finir avec la vie. Le docteur croit que le blessé est évidemment atteint d'aliénation mentale et que sa vie est en danger. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2011 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.